c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U-89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On écoutera Simon Fitzbeat avec sa chronique musicale Varié Fitzbeat. Véronique Mire du bureau de la Régie étudiante nous expliquera comment bien répondre aux examens. Et Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans le temps d'une culture. Assemblage requis commence maintenant. Sans ça, ça sent le diplôme. Sent la dernière. La dernière semaine. Uh-huh. Est-ce qu'on a un diplôme à la fin de la dernière semaine? Mardi. Mardi, demain. Mardi, 16h. C'est fini. Diplôme, yeah! Mais non, nous, on passe la semaine avec vous. Bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 29 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Mais disons-le, le doigt levé comme ça. Ouais. C'est notre dernière semaine, Mathieu. Ouais. Je t'ai liché le doigt avant, là. Le vent dit que c'est la dernière semaine. Un petit vent d'été. Oui, une petite brise. Ouais. Je dirais un vent de fraîcheur, mais c'est pas vrai. Notre émission est rafraîchissante. Oui, rafraîchissante et drôle et plein d'autres qualificatifs comme ça. Non, j'ai pas mis de veste, pas de coupe-vent ce matin. Ah, j'ai pas mis mon béret. Pas de béret. T'as ta baguette en dessous du bras quand même. Là. Putain. Mais pas de béret, c'est ça. Donc aujourd'hui, l'émission à 7h30, Simon Fitzbeat et sa chronique musicale Varié Fitzbeat. Toujours super bon, ça. Toujours musicalement divertissant. Uh-huh. On aime ça. À 8h, Véronique Mire et sa chronique du bureau de la réussite étudiante. Moi, j'ai envie de la sacrer dehors rien que parce que son nom n'est pas prononçable, bureau de la réussite étudiante. Moi, je suis pas capable. Ah, ben, un jour, tu l'auras, Mathieu. Un jour. Eh, maudit. Elle va nous parler de comment bien répondre aux examens. Mm-hmm. C'est très approprié. Oui. C'est pas parce mal là que ça se passe. Oui, c'est les deux dernières. Dernier blitz. Oui, ça finit demain officiellement. Tu dis à 16h, il n'y a personne. Ben personne. Non, en fait, à 10h le soir. OK. Parce qu'il y a des cours jusqu'à 10h. Ah ah. Mais demain sera la dernière. Eh oui. Mais non la moindre. Ouais. Ensuite de ça, à 8h30, Alexandra Carignan qui nous parle d'art et spectacle dans le temps d'une culture. Comme toujours, elle nous affronte. Elle s'affronte elle-même intellectuellement en nous mentionnant des activités les plus ludiques possibles. Hein? Ludique. Je cherchais un mot autre que divertissant parce que j'avais déjà utilisé précédemment. Ou plus culturel. Ou pas très original, par contre. Bon. Je trouvais ludique plus cute, genre, mettons. Cute. Hein? Tu trouves pas ça cute, ludique? Ouais, mais c'est plus informatif, c'est-à-dire culturel. Toi, tu veux que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Hein? Ouais, comme ça. Précis. Une petite fessée, comme ça, les fesses de petit bébé. T'as-tu compris, Mathieu? Menace-moi pas de même, toi. Maudit. Commence la semaine en voulant me frapper. Ah. Alors, on va commencer par contre avec c'est un fait. Uh-huh. C'est nécessaire. Chronique. Véridique. Vérifiable. Véritable. Je l'oublie tout le temps. Ah, j'étais presque fier de toi. Ah, merci. Mais non. Non. Mais non, tu m'as encore déçu. On va débuter avec Mauve. Voici Motel Bonaparte. Le temps que je me pratique. Véridique, vérifiable. Véritable. Moi aussi, tu peux te frapper. Je suis allé au motel sur un monsieur arrivé de 3h15. Dis, mon docteur est pas une petite chambre. À lui, s'il dort. À lui, s'il dort. M'a dit, ouais. Pas de problème, on devait faire allonger quelques dollars. Moi, je dis qu'un rack pichard, la liège, je tourne dans le char, je tourne dans le char. Et un motel sur un mille, je te ramène ma belle, tu vas voir. Motel sur un mille, au milieu des clochons de l'amour de soi. Je t'annais, ramasser à fils un peu le bistrot pour aller boire. Des anglos qui chantonnaient ma sweet lord, y'en a un qui cherchait des bébés de fac, j'y en ai mis un emploi. Il circulait les mains au visage, puis il m'a dit, you can't have a, j'comprends pas, il est à côté de moi. Viens t'en compare, direction motel. tel bonheur fort. Je te ramène ma belle, tu vas voir. Monter sur Amel au milieu des clochards de l'amour de soir. Monter sur Amel, je te ramène ma belle, tu vas voir. Monter sur Amel au milieu des clochards de l'amour de soir. Mauve avec Motel Bonaparte. C'est bon? Oui, c'est un hôtel, c'est un appart, on sait pas. Ah. Non. On le sait. On sait. C'est un motel. Ouais, ouais. Ouais. Fais pas comme si tu savais pas. Je fais bon insignifiant des fois. Hein. Mais tu sais, j'en sais des choses, moi. Mm-hmm. Tu sais, veux-tu t'en dire, les affaires? J'aimerais ça que tu m'en dises. Comment, dans quoi, donc? Dans une chronique qui est véridique, vérifiable, véritable. C'est un fait. Là, je suis fier de toi. Et oui, c'est bien, c'est un fait. On commence tout de suite d'être là avec un fait qui dit que 49% des Américains, selon une étude, commencent leur journée avec des céréales. Oh. 49%, c'est presque la moitié, si mes calculs sont bons. Est-ce que tu commences avec des céréales ou des toasts ou quoi d'autre de plus original, toi? Je commence avec ce que le temps me permet. Ah, oh, rien souvent. Rien. Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai bu un lait au chocolat. OK. C'est pas à manger ben, ça? Non, c'était à déguster. Oui. Oh, miam, miam, miam. Moi, j'aime les gaufres. Oh! Au sirop d'érable. Oui, mais c'est. Est-ce que tu prends les gaufres congelés ou tu les fais toi-même? Ben, congelés, tu sais bien que je suis paresseux, moi. Voyons donc. À cannelle. Oh! Triclosan, l'ingrédient actif dans le savon antibactérien. Ça interfère apparemment avec les hormones sexuelles des humains. Oh! Ah, oh, oh! Ben, j'ai déjà vu un reportage là-dessus, moi aussi. Triclosan, non, pas à recommander, ben, du tout, en fait. Les œufs américains seraient illégaux dans les marchés britanniques, les supermarchés britanniques, parce qu'ils sont lavés, alors que les œufs britanniques seraient illégaux aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas lavés. Tu vois, les normes sont pas les mêmes. Mm-hmm. Lavés, pas lavés. Les gens ont plus de chances de se souvenir du premier, de la première et de la dernière chose sur une liste, plus que n'importe quoi. Donc, c'est un fait, ils vont se rappeler des céréales et du dernier fait de la chronique tantôt. Ouais, quand même. C'est logique. Entre 10 et 15 minutes de saut à la corde, ça peut brûler plus de 200 calories. Donc, sauter à la corde, c'est la méthode la plus efficace de faire du cardio. Mm-hmm. On devrait tous se lancer là-dedans. Oui, mais là, on apporte pas de corde autour du cou. Là. Non, non. Bah, ouais, non. Hey. Hey, sauter avec ça, là. Ah! Ça va se tirer plus la tête. Non. C'est pour ça que tu perds des calories. Oui. Parce que oui. Tu perds aussi du poids, hein, parce que la tête est quand même lourde. Oui, c'est pas de joke ce matin. Commence bien. C'est lourd. Lundi. Oui. La syncope, la defecation syncope. Devine ce que ça veut dire, defecation syncope. Pourquoi tu me mets ça sur le dos, là? Ouais, c'est ça. c'est une maladie, en fait, qui fait que tu tombes dans les pommes quand tu défèques, quand tu poupes. Exactement. Quand tu vas aux toilettes le matin. Poup! Oh, tombe dans les pommes. Pas plaisant du tout comme début de journée, ça. Si tu portes une bague, le nombre de germes, de microbes qui vit en dessous de ta bague, ça pourrait être aussi élevé que la population complète de l'Europe. Le nombre de... De germes. C'est pas dégueulasse, une bague. Sérieusement, une bague, non, pas pour moi. Pas de bague. Pas de bague. Non, les C'est la même affaire pour le... Cockery. Cockery. Les chiens et les chats ont une patte dominante. En fait, les mâles sont surtout gauchers et les femelles sont plutôt droitières, les animaux de compagnie. C'est pour ça mon chat, quand il court, il tourne en rond. Parce qu'il y a comme une patte droite qui fait tout le temps tourner en rond. Est-ce que tu penses qu'ils virent à l'envers, les gauchers? Parce que les gauchers font tout à l'envers. Ouais. Sérieusement, les gauchers, ça n'a pas d'allure. On dirait que leur cerveau est vraiment à l'envers. Ça me semble pas qu'il n'y ait pas des horloges pour les gauchers. Parce que tout dans leur cerveau tourne vers la gauche. Mmh. Tu sais, mettons, là, juste débarrer une poignée de porte, là, ils vont t'abarrer. Ça. Ben oui, c'est ça. Ça. Avant de débarrer, parce que logiquement, dans leur cerveau, c'est le contraire. C'est bizarre, les cerveaux de gauchers. Là, j'essayais de faire une joke, tu sais, quand t'es au primaire, les gauchers, moi, j'étais en génération où ça commençait, là, les ciseaux pour gaucher. Je pensais les gauchers commençaient à mon époque. Ça commençait. Tu sais, la mode. Là. Ouais, ouais. Là, j'essayais de faire une joke là-dessus. Les ciseaux de gaucher. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme mon chat, ben, il faut que j'inverse les bols parce que sinon, il mange son eau puis il voit ça mouler. Ouais, peut-être un petit peu à repenser. C'était pas si pire. Il y a des bordels au Japon, des bordels pour les poupées, OK? Donc, où tu peux payer pour avoir des relations sexuelles avec un personnage de dessin animé ou un manga. C'est des sex doll brothels. J'ai déjà vu ça à la télé. Ah ouais, hein? Ben, comme un reportage, là, je parle. Ben, étrange. Il y a comme des gars... j'ai pas loué un film qui s'appelait... Non? Japan Sex Doll Brothels, oui, c'est ça. Japan. Ça n'allait pas bien. J'ai vu aussi des affaires avec les gars qui mariaient leurs oreillers avec des personnages de dessin animé dessus. C'est juste bizarre, mais je vous respecte énormément. Ouais. Si j'ai quelque chose que j'ai, c'est bien du respect pour vous. Hein? Les études démontrent que les gens qui sont d'ethnicité mélangée, les personnes mulâtres, comme certains diraient, on n'utilise plus vraiment ce terme-là, c'est pas tellement politiquement correct, là. Mais les personnes qui sont de nationalité mélangée ont tendance, selon une étude, à être plus intelligents. Nice. Prennent le meilleur des deux, j'imagine. Mm. Les gens qui sont obsédés par les cimetières s'appellent des tafophiles. Tafophiles, obsédés par les cimetières. Ah ouais, on va-tu en face de l'école? Là. Mais justement, devant de l'école, il y a une maison directement sur le cimetière. Moi, ça me ferait peur. J'imagine que c'est un des gars qui s'occupe du... J'imagine que c'est un employé ou quelque chose. Mais peut-être que non. C'est l'accueil. Ben peut-être. Non, les gens présument ça, mais peut-être que c'est juste aussi quelqu'un que ça donne que sa maison est construite sur ça. On sait pas. Peut-être. On n'ira pas y demander, ils sont peut-être morts. Peut-être des zombies. 350 pointes de pizza sont vendues par seconde aux États-Unis. 350. Ça, on va se le dire, c'est une moyenne, hein? C'est une moyenne. Parce que, entre 7h le matin, puis... Oh, la pizza froide, c'est bon, le matin. Ah, oh, c'est vrai. Moi, tu sais, à l'épicerie, là, il y a la pizza froide, ouais. Tu sais, où c'est juste la sauce tomate, puis t'aimes ouais. Ça, toi? Je sais, juste la sauce tomate? Non, moi, non. Mais tu sais, tout le temps sur le bord du comptoir, ouais. T'aimes pas ça, toi? Non, non, non, moi, faut des articles, des comment dire, des ingrédients. Du pepperoni. Du pepperoni. Du fromage. Uh-huh. Du bacon. Mm-hmm. Pas grave d'affaires comme ça. C'est vrai que c'est bon le, quand c'est froid, puis tu sais, c'est tout pognant. Ah oh, oui, aux oignons. Mmh. L'hypotension posturale. Postural hypotension, c'est le nom du feeling que tu as quand tu lèves trop rapidement. Tu sais, la tête qui tourne. Postural hypotension, c'est le nom de ça. Une femme nommée Norma Stitz a le record pour les plus gros seins naturels. Sa brassière est du 102ZZ. Et chaque sein pèse environ 56 livres. Comment tu fais pour peser juste le sein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. 102 triple Z, pas double Z, parce que double Z, là, c'est rien. Le gars, il s'est endormi en faisant ça. Ah, Z. Ah, ouais. Dans les salles de bain publiques du Royaume-Uni, 90% des tables allongées, c'est les tables pour changer le bébé, là, avec un test qu'ils ont fait, il y avait de la cocaïne sur la table allongée. Ben, pas surprenant. Bon, non. Ça, c'est juste à côté de l'anus de l'enfant. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que t'as... Mais t'as bien tourné. Non. Ouais, comme des œufs. Ah oui. Rire pendant une heure brûle le même nombre de calories que lever des poids pendant 30 minutes. Et là, on parle de poids à lever, pas des petits poids. Ben vas-y. On va dire ça à Maxime Bilodeau. Oh oui, 10 000 heures aussi pour avant de devenir un expert en quelque chose. Mm-hmm. Peut-être qu'on est un expert du rire à l'assemblage requis. Peut-être. On fait 2 heures par matin. 2 heures par matin? Oui. C'est pas pire, ça. Si tu comptes les palmarès en plus là-dedans. Hein. Oh. Mais je plus. C'est pour ça qu'on est épuisé de même. Ben oui. On a besoin d'un congé dans 3 jours. La personne moyenne va passer 95 heures par année sur Facebook. Facebook, 95 heures par année, c'est ça n'a pas l'air tant que ça, finalement. C'est 4-5 jours collés? Ouais, genre, pas tant que ça. 3,5 millions de gens paient toujours encore en ce moment pour une connexion à Internet par téléphone chez AOL. Tu sais, le... Ouais, c'était beau, ça. La voix de Yoda dans la version originale anglaise de Star Wars, ainsi que Cookie Monster et Miss Piggy dans les Muppets. C'est la même personne. Oh! Oh! Ça, c'est vraiment intéressant. Les gens qui se sentent déprimés mangent environ 55% plus de chocolat, de cochemola, que ceux qui ne sont pas déprimés. Ah. C'est pas de crème glacée. Moi, je voudrais savoir la crème glacée, c'est combien? Ah, il y avait du monde à la crème glacée en fin de semaine. Ah oh, oui, hein? L'étoile polaire. Mm-hmm. Alors, en 1939, le New York Times a prédit que la télé serait un échec parce que les gens n'ont pas le temps de s'asseoir et de regarder un écran de télé. Hey, hein? Ça, c'est un flop, hein? Ouais, comme ben, prédiction. Tu sais, c'est pas que le New York Times existe encore, c'est un journal. Passe une mode. Parle pour toi-même, hein? Ben, tu sais, comme lui, il prédit que la télé va arrêter. Ah, okay, ouais. Ben oui, c'est ça. C'est ça, il me semble. Tu veux qu'on s'en parle de tes ventes? Ouais, ouais. Les gens, ouais. Les gens s'assoyaient pour écouter la radio dans le temps. Ben, c'est ça. Je vois pas pourquoi ils s'assoyaient pas pour écouter la télé. Hein? Qu'est-ce que la clinophobie? Une toune de Muse. Pour vrai? Non, je sais pas. Mais clinophobia, tu sais, c'est comme... je trouve que ça sonne comme Muse. OK. Je te fais confiance, j'en fais. Je suis pas... OK. Donc, la clinophobie, c'est la peur des lits. Ah. S'endormir sur des 502 triple Z. Chaque année, les enfants en Amérique du Nord dépensent près de un demi-milliard de dollars sur la gomme à mâcher. Chaque? Non, non. Oh. J'ai trouvé riche aussi. Là. Hey, c'est beaucoup d'argent de poche. Caroline, je sais pas où ils prennent ça. Donc oui, un demi-milliard de gomme. Ils prennent ça en récupérant les petits restes là, qu'il y a sur les tables à langer. Ah! Oh. Bande la coke. Ouais. Oh, t'es En 2006, un homme a lancé... Ah, ça, c'est drôle. En 2006, un homme a lancé un rat dans des feuilles qui étaient en feu. Il y avait un tas de feuilles en feu. Il a lancé un rat dedans pour le tuer, OK? Il se disait, « Maman, m'as tué un rat? Moi, j'étais un imbécile, tu sais. » Qu'est-ce que le rat a fait, tu penses? Il a pogné en feu un peu par son poil. Il a couru jusque dans la maison puis il a mis la maison en feu. Bien fait! Ah, bravo! J'approuve ce rat. Après le film de Disney, Princess and the Frog, la princesse et la grenouille, c'était il y a quelques années, c'était au milieu des années 2000. Plus de 50 enfants ont été hospitalisés. Ils étaient atteints de salmonelle parce qu'ils avaient embrassé une grenouille. Ah, tu vois les films, hein, ce que ça peut faire. Les étudiants qui étudient avec du texte dans des polices de caractères difficiles à lire, par exemple Comic Sans, Comic Sans MS, là, vont avoir de meilleures notes. Il va falloir demander à Véronique Mire si c'est vrai. Que d'étudier avec une police dure à lire, ça va faire que tu vas porter plus attention. Peut-être que t'es plus concentré. Probablement pour lire ces affaires. On va y demander tantôt. Plus de 110 milliards de tampons ont été vendus depuis 1936. 110 milliards. Et environ 8000 hommes sont fait faire une chirurgie pour réduction mammaire en 2008. 8000 hommes pour réduction mammaire, ouais. On se regarde tous les deux. Puis... Ouais, c'est pas du triple Z. Non, c'est pas. Non. Voici. Justement, en parlant de ça. Tes petits seins de chocolat, tu l'as vu. Hein? Chocolat de même. Tes beaux petits seins. Ah, oui, j'en ai cute. Tes petits seins sous la pluie. Petit sang chocolat. Et tes petits seins. Tes beaux petits seins. Ils sont beaux. Tes beaux seins. Rhabillons-nous. Rhabillons-nous maintenant. C'est toujours cet fait chronique véridique, véritable et vérifiable. On continue avec d'autres faits super divertissants. Les noms d'origine pour Hannah Montana, est-ce que tu savais? Hannah Montana, à l'origine, n'était pas supposée s'appeler Hannah Montana. On a déjà parlé d'un de ces noms-là dans la chronique, mais il y en a eu d'autres que j'ai vus. Donc, Anna Cabana, hein? Samantha York, ça a l'air beaucoup trop riche, et Alexis Texas. Quoi, ça, ça fait un peu... Triple Z. Triple Z. Samantha York. Samantha York. Quand même, c'est... C'est une porn star, pour vrai. Ouais, c'est big shot. Mais quoi c'est... que... Oui, shot. Cram shot. Mais Hannah Montana aussi, ça a l'air de venir de la porn, je trouve. Pour l'émission pour enfants, je sais pas. Hannah Montana. La langue anglaise a un mot. Poésilonyme. Poésilonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Poésilonyme. Si on, analyse le mot poésie. Poète. Quelque chose. Non. C'est un synonyme pour le mot synonyme. Oh! C'est un autre mot pour synonyme. Excuse-moi, tu me donnerais-tu le dictionnaire des poésilonymes? En Hongrie, il y a un restaurant, OK, où le serveur va te donner ta facture et 3D. Et si t'as 6, si t'as 3 fois le chiffre 6 sur tes dés, ton repas est gratuit. Ah, c'est une fun. C'est malade. Moi, ça, je trouve ça très cool. Ça a presque aucune chance d'arriver, mais ça attire plein de gens qui veulent, tu sais, qui ont le Kembler en eux. J'aimerais ça s'il y avait ça à Trois-Rivières. La musique affecte le mood, si on veut, l'ambiance, ton comportement. Et c'est pour ça que les magasins vont jouer de la musique très, très lente. Parce que ça fait qu'apparemment, selon une étude, que les acheteurs vont passer plus de temps dans le magasin et vont dépenser plus d'argent. D'où la Muzak, la célèbre musique d'ascenseur dans les centres d'achat. Aha! Contrairement à d'autres places qui vont te faire jouer une radio commerciale tout le temps. Ouais. Moi, ça me stresse, j'achèterai pas chez vous. Aha! Spécifiquement pour les nazis, Coca-Cola a décidé de fabriquer une liqueur, un soda à saveur de fruits, okay? Parce qu'il manquait de sirop pour faire le Coca-Cola. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont inventé le Fanta, que je trouve absolument dégueulasse. Est-ce que tu as déjà goûté au Fanta? Ça goûte tellement mauvais. Non, je ne suis pas fan de liqueur. Ah non! Ah ben là, c'est là-dessus qu'on diffère. Ben, peut-être Orange Crunch, par exemple. Ah, j'en ai bu en fin de semaine, c'était bon. Ça, c'est rafraîchissant. Ça faisait longtemps. On dirait que j'avais pas bu ça depuis mon enfance. C'est pas vrai. Pas vrai pendant tout, en fait. L'odeur de la peur. L'odeur de la peur, c'est une réalité. En fait, tous les humains ont une odeur détectable lorsqu'ils sont suffisamment apeurés quand t'as peur. Parce que tu fais des petits pets. Des petits pets! Non, mais il y a une annonce en ce moment à la télé là, qui parle d'un désodorisant qui va masquer la senteur de... La sueur de stress, parce qu'apparemment que la senteur de stress, ça sent plus mauvais. Peut-être que c'est un peu le même genre d'études qu'ils ont trouvé. Mais je sais pas, moi, j'en dirais que je doute l'odeur de la sueur de stress. Ben, de la peur, peut-être. Peut-être. Il y a un livre qui s'appelle le Cuddle Sutra. 50 différentes positions pour se coller, mais pas faire d'amour, là. Pas s'insérer nulle part, c'est juste se coller. C'est cute, quand même. Le nom complet de la ville de Los Angeles, elle est, OK? C'est El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Portiuncula. Ça veut dire la ville de notre majesté, la reine des anges. C'est le nom complet de Los Angeles. Caliente. Caliente! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Le jus de citron est utilisé pour faire de l'encre invisible, on sait ça. Tu peux écrire avec du citron, puis après ça, bon, avec le, je crois que c'est la flamme, quelque chose comme ça va faire apparaître le texte. Oh! Et bien, il y a un homme qui avait décidé de voler une banque en pensant qu'il serait invisible s'il mettait du jus de citron dans sa face. Il y a eu une petite surprise quand il était rendu aux yeux. Hein? Désolé, hein, ça sent mauvais, ça. Les requins ont la meilleure immunité aux maladies qui sont connues par l'homme, en fait. Et donc, les maladies mortelles comme le cancer ne les affectent pas du tout, les requins. Ils ne sont pas affectés par ça. Tant mieux pour eux. Un homme de l'Inde, un Indien, un Hindou, bref, n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. 37 ans sans se laver. On le félicite. Puis là, ça colle à chaque fois que tu t'applaudis. Ouais. Nya. Nya. Nya. Nya. À la fin du 18e siècle, il y avait un... On a parlé de pet tantôt. T'as parlé de pet. Moi, je ferais jamais ça. Ça n'a pas de classe. Il y avait un petteur professionnel qui pouvait imiter un canon, le tonnerre, et jouer des chansons en pétant. Oh! Bof, hein? C'est Beethoven, ça? C'est Beethoven. La chanson thème de Tetris. IKEA en Chine permet à tout le monde d'entrer dans n'importe quel de leurs magasins et prendre une sieste, faire une sieste sur un divan ou un lit. N'importe quel. IKEA en Chine, c'est une bonne idée. Comme ça, tu peux tester la marchandise. C'est le fun quand tu travailles à côté d'un IKEA. Oui. Oh. Ou en même temps, c'est plate quand tu travailles chez IKEA puis tu dois te débarrasser de ces gens-là qui dorment beaucoup trop longtemps. Ouais. Pendant qu'il faisait le film La Passion du Christ, The Passion of the Christ, l'acteur qui jouait Jésus a été frappé par l'éclair pendant la scène de la crucifixion. Ah, je pense qu'il voulait pas Dieu qu'il y ait de film sur sa passion. N'importe quoi. Tu penses-tu c'est Chuck de la chronique Pénère? Chuck Charles-Antoine Rioux de la chronique Pénère, pourquoi? Parce qu'il ressemble à Jésus. Oui, parce qu'il a fait frapper par la foule. Ah, c'est vrai, exactement. Il s'est fait frapper plusieurs fois, il l'avait raconté. Combien de fois? Deux fois. Lui-même, hein? Oui, il s'est frappé lui-même. Il s'est frappé lui-même par l'éclair. Ouais. C'est Dieu. C'est Dieu, ça. Le lait de poitrine, le lait de sein. OK. Naturellement, contient pas mal les mêmes cannabinoïdes qu'on trouve dans la marijuana. Et on dit que c'est vital pour un bon développement de l'humain. Ah. Les cannabinoïdes dans le lait de la maman. Eh bien. Tu vois, je vais me souvenir de celle-là. Oui, c'était le dernier fait. C'était la dernière fait. Et pourtant, tu as retenu le quatrième ou cinquième fait, qui était celui qui disait que tu te rappellerais du premier puis du dernier. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pour cet effet, on fait ça les lundis à 7h10. Et là, en fait, c'est la dernière semaine, donc on faisait ça les lundis à 7h10. C'était un fait. C'était un fait. Ah non, mais la chronique va continuer tout l'été, de toute façon. Uh-huh. On sait, mais autrement. Oui, puis on va sûrement annoncer ça cette semaine. Je pense qu'on va laisser tomber les indices encore, hein. J'en laisse tomber dans chaque émission jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, on va pouvoir en laisser tomber les jeudis après-midi. Uh-huh. Hein? Bon. On fait-tu une chanson de bruit de pète? Non, moi, je suis pas capable. Pas très. Pendant qu'on écoute la formation de Damn Truth, parce que ça aussi c'est un fait, c'est la vérité. C'est too late. Ça c'est fou. Dans vos oreilles. En train de Trois-Rivières, les studios sont là. So hard Retour Simon Fitzbé, Fitzbeat. Oh, c'était rock ça comme fin. Assemble un Ruki pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Rappelles-tu de tes vacances de 87? Fante. C'est pas en vacances, voyons non. C'était en couleur. Le couleur. Le couleur. C'était en couleur. À l'époque, on avait ça. On avait ça de la couleur, hein, Simon? Ouais. Tu t'appelles ça? Ouais. C'était la belle époque. Ouais. Le noir et blanc venait de finir. Juste sans couleur. C'est ça. Hey, c'est Simon Fitzbé. Puis c'est. Fitzbé! Un peu de frivolité pour la dernière chronique Fitzbé de la session. Ben oui, dernière fois de la session. Il fallait se lancer un peu, faire du niaisage. Ah! Est-ce que c'est la dernière de Fitzbé ta vie? Non. Non, on espère que non, en effet. On espère que non, c'est un peu toi qui décides, là, je te dirais. je te dirais que t'as pas mal ton mot à dire là-dessus. En effet, mais écoute, j'aime tellement écouter de la musique qu'il y a des bonnes chances que Fitzbeat continue. Ben, avec Simon, on sait jamais. Hein. Simon se lève le matin, lance un dé. Pour la session, je fais Fitzbeat, je fais Pour les nuls, je fais Phénomène, je fais Paul is Dead, je fais... Il y a tellement de choses que j'aime faire que c'est le fun, tu varies. Oui, ben j'essaye. Moi, j'aime ça voir ça, un gars qui varie comme ça. Donc là, cette session-ci, t'animais la chronique Fitzbeat et l'émission Album Classique et les éphémérides du rock. On ira à la fin de la chronique pour savoir qu'est-ce que tu fais à partir de la semaine prochaine, parce que la nouvelle programmation d'été commence bientôt. Effectivement. Bon, il faut pas oublier que Fitzbeat avait commencé quand on était une chronique d'humeur où j'écrivais des textes à toutes les semaines. Vrai, il y a ça aussi, dans une même chronique. Déjà, ouais. Qu'il y avait comme 10 choix, mais dans... La chronique Fitzbeat, il y a eu deux formules. C'est quand même... Je vais faire comme le commentateur avec Carl Carmoni. Là. Incroyable! Si Dieu le veut! Je suis pas capable de me fixer à une case bien particulière. Mais moi, pour vrai, je l'apprécie. C'est vraiment loin des œuvres proches parce que j'adore ça. La variété! Bon. Mais donc, allons-y avec la chronique d'aujourd'hui. Fitzbeat, chronique musicale. Tu nous présentes des nouveautés. Oui, une chronique variée qui est remplie de plein de trucs. C'est un extravaganza, la chronique, d'une certaine façon. Une cavalcade. Puisque c'est comme la dernière officielle de la saison pour cette chronique-là, ben, j'ai décidé de vous garocher quelques pièces, là, quelques albums ou quelques EP qui vont sortir bientôt. Et on commence avec Steel Corners. La pièce s'appelle Burning Lover. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Steel Corners avec leur premier album, Creature of an Hour, ainsi que le dernier EP qu'ils ont fait, Remember Pepper, qui était donc la belle dream pop, vraiment planante, enivrante. Et en mai, bon, le duo britannique vont lancer un nouvel album. C'est formé sur du producteur Craig Hughes et de la chanteuse Tessa Murray. Ils lancent l'album Strange Pleasure. Si on se fie au premier extrait, Berlin Lover, qu'on va entendre tout à l'heure, on peut s'attendre en fait à ce que ce soit beaucoup plus électro, un peu même proche de la pop dansante. Je suis prêt à donner une chance à Steel Corners avec ça, mais je doute de vraiment aimer Strange Pictures autant que Remember Pepper. Le son qui était plus assimilable à la pop des années 1960 devient beaucoup plus actuel. Un peu enfantine, mais intrigante quand même. Donc on va l'entendre, ce premier extrait. We only want to feel alive. Donc, la pièce s'appelle Berlin Lovers. C'est Steel Corners qui lançait ça un peu plus tôt. Ce mois-ci, ou il y a deux mois, bref, l'album est disponible en écoute en quelque part aussi, puisque je l'ai entendu. J'en ai entendu une partie. C'était bon? Ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est, vous irez écouter. En fait, si vous avez aimé ça, allez écouter ce qu'ils ont fait avant. Vous allez triper vraiment beaucoup plus. Ah. C'est par comparaison que c'est moins bon, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. En effet, exactement. Ouais. C'est par comparaison. Mais peut-être que je me trompe et que l'album va être aussi bon que ce qu'ils ont fait avant. Mais ouais. Le premier extrait m'a un peu déçu. Ça va peut-être te prendre plusieurs écoutes aussi. Ouais, ouais, exactement. En effet. Ce qui nous amène à Arrows of Love. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert hier sur le blog. Ben, tu sais qu'en français, ils disent bloc. Il y a un mot avec bloc pour blog. Ils voulaient traduire blog avec bloc quelque chose, mais je ne rappelle pas c'est quoi. Bloc-note? Peut-être. Ouais, tu m'as. Donc, sur le blog Breaking More Waves, qui est un de mes blogs favoris pour découvrir la nouvelle musique. Donc, Arrows of Love, faut pas se fier au nom du groupe quand on veut les connaître. Les flèches de l'amour. Oui, c'est ça. Mais on pourrait être, en fait, dérouté vraiment. C'est une formation qui donne plutôt dans le noise rock, dans le punk rock, dans le hard rock, bref, du rock. C'est quand même assez lourd. C'est une formation qui est énergique, anarchique également, et ça transpire la rébellion de la jeunesse. C'est fort, ça bouge. Écoutez, il y a des filles dans le band. Des filles! Incroyable, ouais, ouais. Puis, ça rock, tout simplement. Cependant, comme le nom du groupe, faut pas nécessairement se fier à la pièce qu'on va entendre, qui s'appelle The Knife, qui est une pièce aux paroles acerbes, mais avec un son très, très pop et une finale surprise. Bref, on va aller entendre ça. C'est assez particulier. I've got the knife, look at it. You have the scar I should have stitched. Now feel the love cut so quick. My open wound, the blood runs thick. You look good, and I feel shit. So I've got the knife, I'm holding it. I've got the knife, look at it. You have the scar I should have stitched. La pièce s'appelle The Knife, la formation c'est Arrows of Love, et ça finit, tu sais, comme dans... Quand ils mettent un genre de... Quand ils mettent un genre... J'ai été distrait par mon fond et le fond de... Et la pièce qui continuait de jouer en arrière. c'est SoundCloud, on les remercie. On les adore. C'est comme un... Non? Ben, moi, comme un homme sage a déjà dit, Jean-Philippe... Oui. C'est quoi la phrase déjà? J'ai dit « Tel un homme enregistring... » Ce qui dépasse, dépasse. Ça veut rien dire, moi, même ça. Ça sonne bien. Mais c'est vrai que la fin est... C'est comme, tu sais, tu prends un gros blower à feuilles, tu mets ça dans la bouche, là, tu fais comme... les bajoux. Ouais, pour, ouais. Comme ils font en Musique Plus pour l'émission d'un certain Claude qui fait des critiques de disques. Ah, il fait ça? Ouais. Tu vois, j'écoute plus ça, moi, ça me tape ses nerfs, Musique Plus. Non, moi non plus, j'écoute tout ça à part lui, qui a comme genre un peu de crédibilité, quoique il critique des albums à la vitesse de lumière. Ben, il y a juste une demi-heure pour faire toute la semaine, quoi. J'aimais ça, j'ai pas aimé ça. Ça m'a fait penser à telle affaire. Merci, au revoir. Générique. En passant en pub. Ben oui, bref. Donc, c'était bien sûr Arrows of Love qui vont lancer un EP le 9 juin. Qui s'appelle The Knife. Comme une flèche et comme un couteau. Ouh, rapide comme une flèche. Cupidon avec un couteau à la place d'une flèche, ça serait un petit peu violent. Ça serait... Ah. Pacte de sang. Ça serait malade. Ouais, belle image. Ensuite, on parle de Casket Girl. Ouais, justement, parlant de sang, on va rester dans le macabre avec cette formation-là. C'est un groupe très, très, très bizarre qui m'avait vraiment frappé au mois de novembre dernier. Il s'agit d'un trio formé de deux sœurs, Phaedra et Elsa Green, ainsi que de Ryan Greyface, membre fondateur de Black Moth Super Rainbow. Les propriétaires de la formation, pas de la formation, mais de la maison de disques Graveface qui produit ce EP-là. Casket Girls se décrit eux-mêmes comme étant spooky sur leur page SoundCloud. C'est un groupe qui joue sur le genre d'image à la fois bizarre, mais également surréaliste. C'est une musique glauque, mais aussi une pop extrêmement bien construite. C'est pas nécessairement une musique qui plaît à toutes les oreilles, mais je crois qu'il faut vraiment leur donner une chance. C'est une musique qui s'apprécie avec le temps. Il faut pas nécessairement être un freak pour l'apprécier. Cela étant dit, ça se peut que vous détestiez ça. Ah. Ça arrive souvent, les critiques font comme moi, c'est pas... Ah ben. Ils postent tout le temps sur leur Facebook, genre des mauvaises critiques qu'ils ont eues. Pourtant, moi, j'ai trouvé vraiment ça très, très bon. Moi, j'adore ça, donc... le trio a lancé un EP constitué de nouvelles chansons pour le Record Store Day et prépare également un deuxième album qui sera probablement disponible à l'automne. On va entendre la pièce Bloodstone qui est probablement une des plus accessibles de ce mini-album-là. Un peu comme chez Flawless, il y a 500 modèles de casquettes. Une place qui vend des cercueils pourrait dire en anglais, 500 modèles de casquettes. c'est beaucoup. Des casquettes. Des cercueils, ça. Mm-hmm. Bon, on se comprend. Ouais. OK. Jean-Philippe, comprends-tu? Oui. Ah ouais, j'essaie de poser malheureusement. La formation, c'est Casket Girl. The Casket Girl. Oui, the. Voilà, the. C'est the. Important, ça, the. Et la the. Pièce... Z Casket Girls. La pièce s'appelle Bloodstone. Vous pouvez tout entendre ça sur leur SoundCloud. J'imagine que sur Facebook, il va y avoir des liens aussi. Tu disais tantôt, Flawless, les casquettes et oui, tout. Oui, casquettes, c'est un cercueil d'habitude. Oui, exactement. On se rend compte assez rapidement que lorsqu'on rentre Casket Girls sur Google, ça nous amène à un lien qui en fait, Casket Girl et casquette écrit comme casquette, comme les casquettes qu'on se met sur la tête. Et Girls, c'est l'équivalent un peu des Filles du Roi qu'il y avait en Nouvelle-France, mais eux autres, c'est en Louisiane. Donc, la France a envoyé aussi des jeunes filles là-bas pour peupler la Louisiane. Ah. Et on les appelait les Casket Girls, les filles à la casquette. Eh bien, ouais, simplement. Oui. Donc, c'est ça. C'est moins macabre quand on voit un ça. Un peu moins, mais tu disais qu'il y avait souvent des références à la mort avec oui, le groupe oui, exactement. C'est assez glauque, mais c'est assez bizarre parce que les deux chanteuses sont de très jolies blondes, mais très glauques dans leur style, portent tout le temps des lunettes fumées. C'est assez spécial, là. Vous allez voir le clip qu'ils ont fait pour la pièce Heartless qui était sur leur album. C'est assez spécial. Okay. Jouer avec des cœurs, des trucs comme ça. Mmh. Des cœurs morts. Une ouais. Journée traditionnelle. Ben oui. Assemblage Ricky. Et on termine avec No Joy. No Joy, oui, qui est un autre groupe émergé de Montréal qui passera probablement inaperçu au Québec malgré tout. Ça, c'est vraiment très, très, très dommage. Nul n'est prophète hein, en son pays. Ouais, hein. Surtout quand ils chantent pas en français ou que c'est pas signé sur Audiogramme. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Donc, Wait to Pleasure, c'est le second album de la formation qui donne dans le shoegaze, très, très chant gauche. C'est un son qui va rappeler celui de My Bloody Valentine. La guitare omniprésente sous la forme d'un drone, bien sûr, perpétuel et très pesant. On a l'impression qu'on veut pas s'empêcher de se faire aller à la tête en avant, en arrière, en écoutant ça. Vraiment, j'écoutais ça hier, je faisais comme... Yeah. Bref. On passe du drone à une musique un peu plus spacey, des fois aussi qui a des airs de stéréolab. Oh. Ce qui est pas sans déplaire. Ben, ça doit pas. Ça sonne vraiment très, très bien. Une des grandes particularités de cet album-là sont entre autres les voix de Jessamine White Girls. Ghouls, plutôt. Pas girls, mais ghouls. Raciste. Et aussi Laura Lloyds, qui nous accompagne tout au long de l'écoute. Soulignons aussi que l'album comporte des chansons des plus variées et qui ont toute une particularité différente, en fait. Aucune pièce se ressemble et offre une sensation différente d'une écoute à une autre. C'est une musique qui est à prendre avec un grain de sel, c'est-à-dire surtout est bonne pour relaxer, en fait. C'est à écouter en étudiant, par exemple, pour ceux qui leur restent une journée, qui font des travaux à remettre aujourd'hui ou demain. Dernière minute, là, genre à 16h. Comme tout bon groupe de shoegaze, la musique de No Joy est toujours un peu brouillon. Il y a tellement de couches de son qui envahissent notre canal auditif qu'on a du mal à vraiment s'attarder à un aspect ou à un autre de cette musique-là. C'est comme une caméra lorsqu'elle perd son focus. L'image devient floue, mais on voit encore plein de choses donc dans l'objectif. Ça devient difficile de distinguer tout ce que l'on voit. Et un peu la même chose avec cette musique-là. C'est difficile de distinguer tout ce qu'on entend. C'est fort intéressant et un groupe de chez nous à découvrir. La formation No Joy avec la pièce Air Tarot Lies. C'est une formation montréalaise à découvrir si vous aimez des trucs comme My Bloody Valentine, Stereolab et tout. C'est vraiment fort intéressant. Excellent. Donc, c'était quoi? Quatre bons choix aujourd'hui? Oui. Oui, ben, moi, je considère ça comme des bons choix. C'est ce que j'aime bien. Présente-nous donc les mauvaises affaires, moi. Donc, c'était la dernière chronique Fitzby de la session l'hiver 2012-13. Effectivement. On se retrouve cet été dans notre émission estivale qu'on n'a pas encore annoncée, donc on laisse ça flou un peu, mais on va t'annoncer une case horaire quand tu vas le vouloir. Pis, pas de temps en temps. Pas de temps en temps. Sinon, on te retrouve aussi les vendredis matins à 10h tout l'été. Oui, dans le cadre d'albums classiques qui continuent, persistent et signent. Côté par côté. Côté de vinyle par côté de vinyle. Oui, exactement. Une fois par demi-heure, un côté différent. Okay. On voit le genre. Aussi, à rock classique, les éphémérides du rock avec Alain Lefebvre. Exactement, on continue ça aussi tout l'été. Mis à part trois semaines de vacances, bien sûr. Et est-ce qu'on peut annoncer que le lundi soir, tu vas animer une émission tout l'été? Oui, un genre de bleu qui ne commence pas cette semaine, mais bien la semaine prochaine, donc le 6 mai. On va vous faire jouer du jazz, bon jazz, très très bon jazz. Ce sera de 18h à 20h les lundis soirs, c'est bien ça. Ouais, moi c'est mon émission pour relaxer. Je me relaxe avec ça. J'aime bien ça. C'est le fun, ça va être diffusé évidemment. Surveillez cfou.ca pour la programmation estivale très bientôt. Pour l'instant, on est encore un petit peu en flou d'entre deux sessions. On est en montage. En montage de programmation, exactement. Ça s'en vient, ça va être annoncé bientôt. Donc merci Simon. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci pour cette belle session aussi. Ah, t'es fin. C'était vraiment fort agréable de travailler avec vous. C'est les chroniqueurs qui rendent ça le fun, hein? Eh oui, parce que nous, on s'en passerait bien. On patine. On va terminer l'heure ici. On va se retrouver dans quelques minutes avec Véronique Mire et la chronique du Bureau de la réussite étudiante. On va parler de comment réussir un examen. C'est le moment, aujourd'hui et demain, pas mal. C'est là que ça se passe. C'est le moment de vérité. Il est temps pour vous d'affronter le mur! Non, quelque chose de Benoît Gagnon. C'est daté un peu, hein? Ouais. C'est bon que tu cherchais un co-animateur, moi. Ah, t'es fin. Tu viens juste de commencer, tu m'insultes déjà. Non, non, non. Eh, c'est là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 29 avril 2013. Et Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Oui, et c'est la dernière semaine d'Assemblage requis pour la session d'hiver 2013. Oui. Ben oui, sniff, sniff, sniff. Et c'est donc... Sniff, sniff, oui. Ça veut dire que c'est aussi la dernière chronique pour la session de Véronique Mire. Bon matin à toi. Ah, bon matin à vous. Ça fait un mois encore ou deux semaines? Deux semaines. On se voit tellement pas souvent que j'ai des fois, j'ai l'impression que ça fait six mois, tu sais. Oh, c'est vivre la deux semaines. Ben oui, c'est vrai. On n'était pas pire, hein, dernièrement, ouais, quand même. Mm-hmm. Quand même fiable. Et là, on parle d'un sujet qui est très approprié en cette fin de session, c'est comment réussir un examen. Oui, comment réussir un examen. C'est là qu'on est rendu. Allons-y. On y va short and sweet parce que là, le temps d'étudier est pas mal terminé. Hein? Rendu là, c'est passons le tout, réussissons et passons de belles vacances pour ceux qui en auront à suivre. Donc, si vous vous souvenez, hein, pour les auditeurs fidèles, la dernière fois, on a parlé de gestion du stress. Donc, souvent, le problème avec la passation des examens, c'est évidemment, bon, peu de contrôle. On se souvient que le problème avec le stress, c'est qu'on se fait un cinéma. Un ciné. On se crée des histoires, oui. T'avais l'acronyme CINE. C'est ça, exactement. Donc, il est fort. Hein? Tu me traites de fidèle? C'est super, super. Ça commence bien. Donc, 5 points dans ta banque. Merci, Colin. On accumule ça où? Les examens du bureau de la réussite étudiante. Personne n'avait parlé de ça, moi. Donc, le C, hein, pour contrôle faible. Donc, évidemment que quand on passe un examen, ben là, c'est quand on est en classe. Parce qu'on a du contrôle sur comment on étudie. Par contre, on n'a pas de contrôle sur quelle question va popper à l'examen, ben, évidemment. Donc, c'est fortement imprévisible. Hein, beaucoup d'étudiants qui font « Ben voyons donc, il n'a jamais parlé de ça, c'est quoi ça? Je m'y attendais pas. » Ou « Ça, c'est dans les notes de bas de page d'une lecture. » Ouais, bon. Donc, ça, c'est tout dans la préparation. Vous avez le droit de poser des questions, hein? Au prof aussi, donc pour savoir un peu qu'est-ce qui va être à l'examen, qu'est-ce qu'il ne le sera pas. Ensuite, vous avez la nouveauté. Bon, facteur nouveauté, quand on est rendu à la fin de la session comme ça, est un peu moins fort. À moins que tu aies raté à moitié des cours. C'est ça. Exactement. Ah ouais, c'est sûr. Parce par l'expérience, non? Ou ceux qui ont des profs qui changent en cours de session. Hein. Des fois, il y a deux profs qui donnent le cours. Donc, bon, à mi-session, on est content. On se dit, ah, là, je sais à quoi m'attendre. Puis là, le prof change. Donc là, tu te réadaptes pour l'examen de fin de session. Mm-hmm. Et l'ego menacé, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ont l'impression que c'est eux qui sont jugés à l'examen et non leurs connaissances. Donc ça, c'est important. Évidemment que si vous avez étudié 8 heures avant, ben là... vous êtes tapé dessus vous-même, mais bon, autrement, vous avez quand même fait votre possible. Ouais. Puis, petite parenthèse là-dessus, bon, maintenant que vous en êtes à la fin, c'est aussi le temps de faire un peu le bilan de qu'est-ce que vous avez fait pendant votre session, comment vous avez trouvé que ça s'est passé pour améliorer les choses pour la session d'automne 2013. On va commencer par vivre l'été, Véronique. Oui, ceux qui n'ont pas de cours d'été. Hein, oui, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas de cours d'été ou ceux qui commencent déjà la session d'été, là, ouais, ouais. Ah, j'allais dire autre chose que waouh, mais bon, quand même une petite journée de répit là, puis tout de suite la session d'été recommence. Donc là, faut se dire bon, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire ou des choses comme ça. Donc par exemple, si vous avez étudié deux jours avant un examen puis vous rendez compte que vous auriez dû commencer avant, ben dites-vous pas je vais commencer deux semaines la prochaine session avant, mais peut-être quatre jours plutôt que deux. Donc déjà c'est le double du temps. Donc, quand on arrive à l'examen en tant que tel, bon, le jour de l'examen, prenez au moins deux heures de pause pour les examens qui sont à midi, par exemple, 3 heures ou 7 heures, là, 3h30, 7 heures. À 8 heures le matin, ben, généralement... minimalement avoir dormi. C'est ça. Généralement, les étudiants dorment le plus tard possible. Là, c'est pour, ça. Plus facile à dire qu'à faire, là, de dormir. Là, ouais, c'est ça. Donc, faut quand même prendre une pause avant. Éviter d'arriver trop à l'avance aussi en classe. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ben, les anxieux hein, qui sont là, puis qui ont tous leurs livres dans leurs mains, puis qui se posent des questions. Puis là, même si nous, on se dit « Ah, ça va bien, moi, je suis tout est sous contrôle », on écoute ça, puis on se dit « Ah oh, non, c'est quoi ça? » C'est eux qui te stressent. Ah, ouais. Hey, tu te souviens-tu du modèle de truc, là? Hein? Puis, y'a-tu un modèle de savoir ça, là? C'est quoi ça? J'ai pas vu ça. Parti. C'est au cours où j'étais pas là, j'ai oublié de t'emprunter tes notes. Bon, la panique part, puis là, ben ça crée des blancs de mémoire. Eh oui. Hein? Donc, éviter ce genre de choses. On suggère fortement d'écouter de la musique. De lire, décrocher de complètement. Jaser, aller marcher autour là, de la classe. Vraiment, là, éviter ce genre de choses. C'est ce qui s'appelle l'effet de récence. Ouais. Allez pas sur Facebook non plus. Il y a des gens qui vont parler d'examen sur Facebook. Ça va être plus stressant. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui vont pousser la note jusqu'à la toute fin. Hein, parce qu'il y en a qui sont chanceux. Moi, je faisais partie de ces étudiants-là. Je pouvais regarder mes notes 5-10 minutes avant l'examen puis je tombais sur les questions. Oh. J'étais chanceuse, mais ça arrive pas à tout le monde. Hein? Moi, j'avais la bonne étoile. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que les petites dernières choses que vous avez regardées dans les 5-10 dernières minutes vont effacer des choses qui, des fois, vous ont pris plusieurs heures à rentrer dans votre tête. Donc, puis on sait que les étudiants sont très bons dans le bourrage de crâne. Hein? Donc, si vous étudiez à la dernière minute, ben, le bourrage de crâne est effacé. Donc, quand vous recevez le questionnaire, première chose, bon, moi, je fais ça pendant mes examens, puis j'ai des étudiants, des fois, qui se fâchent. On va donner des consignes quand on donne l'examen. Ouais. Puis moi, des fois, j'ai des étudiants qui me disent, « Ben là, madame, pendant que vous parlez, on peut pas se concentrer. Ah. » OK, mais là, ce que je te dis, là, c'est très important. Donc, écoute-moi, là, ça va prendre 5 minutes, puis ensuite, tu commenceras ton examen. Ça, c'est assez étonnant. J'ai des étudiants qui me disent ça, « On peut pas se concentrer, arrêter de parler. » Pardon? Donc, c'est qui dit à qui quoi faire ici? C'est qui le boss de la place? Là? Donc, écoutez ou regardez au tableau s'il y a des consignes de dernière minute. Hein. On a hâte de commencer l'examen parce qu'on a hâte de sortir. Mais des fois, le prof va nous dire ben, « Faites attention au numéro 5, c'est pas tel chiffre, c'est l'autre chiffre. » Ou « Faites pas cette question-là. » Ça m'arrive très souvent. Finalement, j'arrive à l'examen, il y a une question que je me dis « Il me semble qu'elle est dure. » Puis je vois mes étudiants ce matin-là, ils ont l'air poqués pas mal. Puis je me dis « Bah! » Je vais l'enlever, cette question-là. Puis j'en ai toujours 3-4 qui répondent quand même, parce qu'ils m'ont pas écouté. Donc, faites attention. Là, des fois, c'est des petites informations précieuses. Ça peut vous faire sauver du temps aussi. Donc, attention aux consignes. Ensuite, créez-vous ce qu'on appelle un coffret de sûreté. Donc, s'il y a des choses que vous avez eu la difficulté à mémoriser, des choses qui ont été difficiles, vous n'avez pas trop bien compris, ça a été long à mémoriser et tout, vous arrivez à l'examen avant même de commencer à répondre, écrivez-les à quelque part, soit au verso. Tu vois, j'ai trouvé sur le site de Pirate Weasel, que j'ai posté sur Assemblage Requis sur la page Facebook, il y a une étiquette de bouteille d'eau d'Aquafina et oui. Tu peux remplacer le texte par les réponses d'examen, faire mais ça remplacer l'étiquette sur ta bouteille d'Aquafina. Ça, c'est une chose à ne pas faire, tu me dirais? Ou? Ben là, c'est sûr. À ne pas faire. C'est sûr, c'est à ne pas faire. Là, faut que je leur tienne ça à faire ou à ne pas faire? À ne pas. Ouais. OK, je vais essayer de leur tenir. Okay, je vais essayer de leur tenir. Parce que, en fait, c'est que si le prof trouve ta bouteille d'eau, ouais, mais c'est quand même assez. Il en sort des affaires. Mais je vous dirais que de plus en plus de profs, ça devient pratique courante de laisser aux étudiants une feuille de notes. Mm-hmm. Pour les examens, parce que on est de plus en plus conscient que le bourrage de crâne, c'est pas bon. Les étudiants finissent l'examen, ils se rappellent plus de rien. Fait que la feuille, ça dépend d'un prof à l'autre. Mais bon, c'est intéressant. Fait que ne pas faire. Ne pas faire. OK, je l'ai retenu. Okay. Bon, voilà. Donc, coffret de sûreté, très, très utile, parce que comme on l'a vu tantôt, souvent, c'est un problème de contrôle qu'on a à l'examen. Donc, le fait de dire, tiens, je reçois l'examen, mais je vais pas tout de suite le regarder, fait qu'il me faut pas perdre mon contrôle, si on veut, que j'ai là, sur la situation. Donc, si pendant l'examen, j'ai un stress ou peu importe, ben je retourne voir mon petit coffret de sécurité, de sûreté. Puis, ça se peut que là-dedans, ben j'ai des réponses. Donc, ça, c'est très important. Ça peut vous prendre 5-10 minutes. Ça dépend toujours du contenu, là, de ce que vous aviez à étudier. Mais ça peut vous sauver la vie. Ensuite, on fait un survol de l'examen. Ben sauver la vie, voyons. Dit-on des choses de cette façon? Oui. Ça dépend où vous en êtes, mais bon. Donc, survol de l'examen, ça, c'est juste pour voir c'est quoi l'examen, en fait. Est-ce qu'il y a des questions à 40 points à la toute fin? Vous aimez pas les vrais ou faux, il y a une section vrai ou faux, vous dites « je vais m'en débarrasser tout de suite en partant » ou des questions à long développement, etc. Donc, juste pour voir un peu c'est quoi le type d'examen, ce n'est pas pour lire l'examen, contrairement à ce qu'on pense. Beaucoup d'étudiants vont lire tout l'examen avant de commencer. OK, sans rien écrire, juste lire. Oui, beaucoup. Okay. À peu près 50 % des étudiants qui font ça, ils lisent tout l'examen au complet. L'autre moitié, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils partent. Ils commencent à écrire. Tout de suite, là, c'est ils ouvrent, puis bang, ils commencent. Donc, même les consignes, des fois, ça devient difficile. Donc, faites attention, il ne faut pas lire l'examen en tant que tel, parce que ça aussi, ça peut créer des blancs. Mais on se rend compte. Ben, parce que, en fait, tu vois les questions, puis tu dis, tu es rassuré. Normalement, tu es rassuré par un certain bout, puis à un moment donné, tu tombes sur une question que tu fais, oh non, ça, je ne sais pas. Puis là, tu continues ta lecture, mais tu ne lis pas vraiment. Tu fais juste à dire, c'est quoi ça déjà, cette affaire-là? Donc là, ça crée des blancs de mémoire à cause du stress. Mmh. Donc, c'est plutôt pour survoler, voir le nombre de points, est-ce qu'il y a une question bonus, etc. Recto, verso, faites attention à ça. J'ai aussi des étudiants qui se font J'oublie de faire les versos. Oui, ils répondent pas aux versos. Ça, c'est épouvantable. Ben, tu as quasiment envie d'y écrire. Ben viens donc répondre à l'autre partie de ton examen que tu n'as pas fait. C'est de sa faute, sérieux. En tout cas, je m'excuse. Non, mais il y en a beaucoup. C'est le stress, c'est épouvantable. Ouais. L'anxiété de performance, d'examen et tout, là, je veux dire, là, les mains moites et tout ça. Donc, ça vous permet de voir justement comment vous vous sentez. Là, vous l'avez l'examen, là, vous vous rendez compte que vous êtes en contrôle ou vous êtes fatigué parce que vous avez étudié toute la nuit ou vous êtes extrêmement stressé, vous vous rappelez plus de rien. Si ça vous arrive, prenez le temps de bien respirer. On se souvient, on en a parlé là, 2 semaines. Là, gestion de stress et gestion de tout ça. Là. Oui, c'est un quick fix. Pas comme ça. Non, non pas comme faut ça. Pas respirer comme un petit chien, là. Grande respiration, exactement. Ouais, idéalement, pas trop bruyant. Non. Ouais, là, désolé pour la langue de ma mousse. Ouais, c'est pour le bienfait de la radio, oui. Évidemment. Mais c'est sûr que ça, c'est bien parce que quand on est stressé, donc je vous le rappelle, notre corps provoque, excusez-moi, je suis un petit peu mêlée ce matin, sécrète beaucoup d'hormones de stress. C'est ça qui fait qu'on est stressé. Puis tout ça se ramasse au niveau de l'abdomen. Ce qui fait que le diaphragme est contracté, puis qu'on a la respiration saccadée. Hein? Ben, c'est pour ça que pendant les exposés oraux, souvent, on entend les gens avec la voix qui tremble parce qu'ils ont de la misère à retrouver leur air. Donc, juste le fait de respirer profondément, ça vient calmer le diaphragme, ça disperse, si on veut, les hormones de stress, puis On reprend le contrôle, c'est un effet coup de poing. Là. C'est vraiment instantané, sans la douleur, évidemment. Donc, c'est la ceinture. Hein? Qui s'attend? On se calme les nerfs. Ouvre-toi une bière. Il y en a qui vont faire des petits étirements aussi subtils là, en dessous du bureau. Là. Ils vont juste s'étirer un peu les mollets ou juste pour changer de mal de place. Hein. Il y en a qui ont toutes sortes de trucs. Là, les fesses? Regarde les fesses. Ah oui? C'est ton truc, ça? Non. Donc, pour prendre contrôle. Donc, si vous vous rendez compte que ça arrive, prenez 2-3 bonnes respirations. Vous allez voir très rapidement, ça a un effet. Donc, évidemment qu'à l'examen, la clé, c'est la lecture de la question. Donc, on veut vite répondre pour sortir, mais faites attention. Souvent, on perd des points parce qu'on a manqué un petit bout de question. Par exemple, les examens en fiscalité et comptabilité où on vous demande de faire un bilan, non pas sur 3 mois, mais sur 6 mois, puis vous l'avez pratiqué toute la session avec un 3 mois plutôt qu'un 6 mois. Bon, ben là, vous venez de partir avec la moitié des points, si ce n'est 0. Donc, faites attention aux petits éléments de réponse, de questions. Et soulignez peut-être les mots-clés dans la question. Donc ça peut vous aider justement à faire attention, prendre le contrôle. Commencez par répondre aux questions qui sont faciles aussi en premier. Donc ça vous donne un bon sentiment de sécurité, hein, ça va bien, c'est facile. Passez pas plus qu'une trentaine de secondes sur une question, après ça, on passe à l'autre. Généralement, à force de répondre, les réponses vont vous revenir à celles que vous avez sautées. Là. Sinon, c'est peut-être des choses que vous avez oublié d'étudier. Hein. Et ça, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. T'sais. C'est ça. Est-ce qu'on tente une réponse? Est-ce qu'on marque tout n'importe le temps. Quoi? Moi. Tout le temps. B. Ben, ça dépend si c'est ta correction négative. Ouais. Hein. Il y a quelques profs qui font encore ça, la correction négative. À l'ancienne, hein? Et à l'ancienne mode. Donc, mais généralement, vaut mieux, comme JP l'a dit, tenter quelque chose, vaut mieux essayer que rien du tout. Ouais. Puis même des fois, si vous n'avez pas le mot, hein, des fois on vous demande, donnez-moi le mot. Un synonyme. C'est quoi tel concept? Ben, expliquez-le. Okay. Si vous ne savez pas c'est quoi, au moins le prof va voir si vous avez compris l'idée. Hmm. Des fois, on peut quand même bien s'en sortir. Ensuite, à la fin, n'oubliez pas de réviser votre examen. Ben oui. Faire un propre. Ben, peut-être si vous avez fait des fautes, si vous êtes peut-être trompé en lisant hein, plus loin, des fois on se rend compte, hey, c'est pas bon ça, finalement, ce serait telle autre réponse. Donc, vous pouvez. C'est pas sur mon nom, finalement. Ouais. Donc, c'est assez facile de faire des changements, mais faites attention, en cas de doute, la première réponse est toujours la meilleure. C'est là. Vrai ça. Y a rien de plus fâchant que de se dire, ah non, je l'avais, j'aurais dû garder cette réponse. Oui. Ouais. Ouais. Donc, je regarde. L'heure. Ah, c'est nous autres qui a commencé. On a commencé tard. D'accord. Continue. Donc, je voulais juste vous dire, c'est ça. Faites attention au changement des réponses. Si vous avez à changer une réponse, c'est vraiment juste parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez mal lu la question. Donc, vous avez raté un élément. Ou des fois, on lit plus loin, puis on se rappelle de quelque chose. Autrement, gardez cette réponse. Donc, vous avez aussi les types d'examens. Les livres ouverts. Donc, c'est généralement les plus difficiles. Bon, pour ceux là, rendus au lundi de la fin de session, les examens à livre ouvert, ben vous lisez vos notes juste pour être sûr que vous avez tout compris. Hiérarchisez-les, là, faites un ordre quelconque, table des matières, post-it. Milliers de post-it. Post-it, oui. Puis post-it en extra aussi. Il y a en surplus, là. Quand tu regardes, tu fais « Ah! » Différentes couleurs, peut-être aussi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Des post-it d'une couleur différente. Comme ça, vous pouvez retrouver vos réponses facilement. Faites-vous pas avoir par le piège de « j'ai pas à étudier », mais assurez-vous de bien comprendre. Ouais. Les choix multiples A, B, C, D. Mm-hmm. Puis ça, c'est facile, hein? E, F, G, H, I, J, etc. Il y en a beaucoup des fois, hein? Toutes ces réponses sauf A. C'est fâchant. Aucune A et B seulement. Bon, non, il y en a de toutes les sortes. Donc, les choix multiples, il faut toujours lire la question, masquer les choix de réponse, trouver la réponse dans votre tête, puis ensuite aller la retrouver dans les choix. Parce que les cacher complètement les réponses? Oui, vaut mieux les cacher. Okay. Ou lisez les réponses, en fait. Okay. Ouais. Parce que c'est fait pour vous mélanger. Évidemment, ce ne sera jamais une question facile ou des choix de multiples que vous allez simplement les éliminer. Puis, très évident. Donc, masquez-les, trouvez la réponse dans votre tête, puis ensuite, allez la retrouver dans les choix. Les vrais ou faux aussi, faites attention aux doubles négations. Mm. Deux moins en maths, c'est... Oui. Il est pas faux que c'est vrai de dire qu'il est faux de... Moi, on m'avait dit aussi que quand il y a le mot « toujours », là... C'est ça, oui, les termes forts, hein, « toujours », « jamais ». À moins que le prof l'ait dit, là, « toujours, toujours, toujours, toujours », des fois, on le fait, là, on insiste. Sinon, il y a toujours une exception. Ouais. Donc là, je l'ai dit. Hein? Cortanella, là. Voilà. Y a-t-il toujours une exception? Vrai ou faux? Paradoxe, oh non! Ouais, puis en même temps, il faut faire attention. Des fois, on dit quelque chose, puis bon, comme là, tu vois, tu le dis, puis je me dis, il y a sûrement des cas où il n'y a pas d'exception. Oui, c'est sûr, oui. Donc, faut faire attention aux termes forts. Faites attention aux doubles négations. Donc, ne pas jamais, etc. Ça fait un vrai. Hein? Mm-hmm. Deux moins, ça fait un plus en mathématiques. Quelle attrape. C'est toujours assez dur de même. Ah, c'est sûr, c'est pas si évident. Évitez aussi, faites attention, par exemple, justement, les vrais ou faux, il peut y avoir un vrai ou faux avec justification. Mm-hmm. Donc, on vous dit, si c'est faux, donnez la bonne réponse. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui n'avait pas à justifier puis qui justifiait. Comme, mettons, vrai ou faux, il y a toujours des exceptions. Vrai, sauf dans le cas... C'est faux. Ben oui. Exactement. Pourquoi t'as pas juste écrit faux? C'est ça, oui. Puis faites attention à ça. On n'est plus amis. Ça finit là. Toi, je l'ai tué. Tu sais pas que si tu veux dans la vie. Bon, c'est ça. Non, puis ça, ça montre au prof. Moi, ça m'arrive, là. Puis tu te dis, coudonc, il sait pas, là, finalement, cet étudiant-là. Donc, justifiez pas si vous êtes pas sûr. En psycho, on voit ça énormément. Il y a des vrais ou faux, puis les étudiants sont tellement pas sûrs, ils justifient. Donc, le vrai ou faux, vous pouvez pas avoir des points si vous justifiez bien. L'important, c'est que vous ayez le vrai ou le faux qui est bon et non la justification. Puis faites attention aussi, cherchez pas les bébites. C'est souvent le problème. Hein? Les étudiants lisent puis ils disent « Oui, mais là, si je prends ce bout-là, c'est vrai, mais si je prends ce bout-là, c'est faux. » Donc, s'il y a une partie de l'énoncé qui est fausse, Tout est faux. Hein? Donc, dites-vous pas, en partie, s'il y a une partie qui est fausse, tout est faux. Donc, ne cherchez pas les bibittes, là. Des fois même, on écrit une question puis on pense pas à toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir, là, peut-être ça. Donc, faites attention à ça. Les questions en développement, hein? Donc, bien lire la question, assurez-vous d'utiliser les bons termes, évitez la dentelle. Donc, si on vous donne un nombre de lignes fixe, ben faites pas un recto verso, là. Hein? Si on vous donne un nombre de lignes, assurez-vous d'avoir un bon plan de réponse. Moi, les étudiants qui me répondent au stylo, par exemple, puis là, ils vont mettre plein de ratures, là, parce que quand ils se relisent, ils sont plus sûrs, puis là, ils changent leur réponse. Donc, avec des flèches, là, pour dire non, finalement, ce paragraphe-là, il va là. Hein? C'est ça. Mm-hmm. Puis, conseil général là-dessus, dites-vous jamais que vous savez que le prof sait, donc vous allez vous en tenir au minimum. Parce que le prof va être capable, vous comprenez ce que je dis? De comprendre, en mettant moi l'explication, il va comprendre quand même, moi, mais le but, c'est qu'il sait tout, lui. Fait qu'il veut juste que tu lui montres que tu le sais. Exactement. C'est ton donc, prof, c'est lui qui te montre ça. Oui, il faut toujours montrer au prof que vous avez compris. Il ne faut pas que le prof déduise quelque chose. Donc, si vous donnez une réponse partielle, vous allez avoir des points partiels. même chose pour un travail de session. Donc, puisque vous êtes là-dedans, là, la fin de session, quand vous faites un travail de session, il ne faut pas que l'évaluateur ait à déduire quelque chose. Il faut que tout ce que vous savez soit là. Donc, mettez-en le plus possible parce que s'il y a des questions du genre, moi, dans mes. Évidemment, pour réussir ces études, c'est genre, j'utilise mon agenda de façon efficace. D'accord? Donc, oui. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, oui. Utiliser un code de couleur, etc. Donc, prenez jamais pour acquis que la personne sait, d'autant plus que souvent, les profs ont des évaluateurs externes, hein, ou des correcteurs. C'est pas le professeur qui va corriger ton pas test. Pas nécessairement. Okay, ouais. C'est ça. Puis, dans ce temps-là, ils font des réponses claires qu'ils donnent à l'évaluateur. Puis là, si votre réponse n'est pas là... Faut que ça concorde. C'est ça. Voilà. Donc, passation d'examen, lâchez pas la patate, gang, ça va bien aller, ça achève. Puis, faut toujours se dire, là, coudonc, vous êtes peut-être cerné, fatigué, plus capable. Vous allez probablement être un peu malade en finissant votre session. Beaucoup d'étudiants tombent malades, grippe, etc. C'est pas juste la bière après pour célébrer, là. Ben, c'est aussi ça, par contre. Il y a un peu des deux. Faut fêter. Mais faites attention, dites-vous que vous n'allez pas être étudiant toute votre vie. Hein? Fait que c'est bon de donner les efforts jusqu'à la fin, même si vous n'êtes plus capable, vous ne serez pas étudiant toute votre vie. Pendant que vous êtes là, commencez pas vos vacances en vous disant j'aurais donc dû. Mm-hmm. Hein? Ça, c'est plate. Voilà, en gros, vous êtes bon, continuez comme ça, c'est la fin, ça achève. Et puis moi, je veux vous remercier pour la belle session. Ah, on allait faire la même chose. Ben oui. Merci. Et si vous avez écouté les chroniques de Véronique Mire, vous savez maintenant à quoi vous en tenez pour l'examen. Donc, vous allez passer, puis vous allez avoir des bonnes notes, puis vous allez lui devoir quelque chose. Bon. Oui, c'est ça. Un petit cadeau. Petit cadeau. Passe la voir au bureau de la Réussite étudiante. Oui, passez me voir, écrivez-moi, appelez-moi, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Véronique Mire, on te retrouve éventuellement à l'émission. Est-ce évidemment. Qu'on, on s'en reparle, de toute façon. J'espère bien. À l'automne. Oui. Allez, ah, on verra. Mm-hmm. On s'en reparle. Véronique Mire, du bureau de la Réussite étudiante. Changez de nom pour que je puisse le prononcer, s'il vous plaît, parce qu'à tous les matins que je le prononce, je suis pas capable. Trop de syllabes. Le bré. Oui. Bré. Bré. Bra, bra, bra. Comme les rappers. Faut faire jeune pour que les jeunes veuillent venir au bureau. Hein? Voilà. on parlait de vrai ou de faux tantôt dans les choix de réponse d'un examen et ça m'a donné envie d'écouter Jérôme Minière. Voici le vrai, le faux. Hein? Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien. Vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues. Même celle où vous posiez debout devant ce très beau monument dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment. Annoncer aux informations, deux ou trois mots à la radio et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place grouille de monde, vous vous arrêtez une seconde. Nous ne sommes que des fourmis et la réalité est plus dure. Et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Du matin au soir, nous nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Sans savoir ce qu'il faut croire. C'est dans la machine, c'est dans votre tête. Parfois tout est si flou. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, le vent, on ne veut pas tout savoir. Le vrai, le faux touche dans le noir. Car oui, vraiment, on peut pas tout savoir. Et du matin au soir, nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir. Une pensée se promène. Ici allume une lampe, tout contre votre tempe. Le vrai, le faux se touche dans le noir. On ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. On ouvre les yeux, on les ferme. L'histoire a lieu dans nos pensées. On examine un souvenir. Et l'on peut se dire, l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais Jérôme Minière le sait. Oui, lui, on lui demandera plus tard. Au retour, Alexandre Carignan et le temps d'une culture à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assez fou. des extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le plan de demain à assemblage requis. On accueillera Marie-Laurence Audet de l'Auditoire, de l'Observatoire québécois du loisir. J'ai raté mon tir, j'ai lancé sur un pied de micro. Michel Lebrun nous parlera du système judiciaire dans le palais national et on écoutera la musique canadienne de Qui vaut la liberté dans Qui vaut la cavale. J'ai essayé de lancer l'adaptateur de l'écouteur pour Alexandra. J'ai lancé sur le poteau. C'était de toute beauté. C'était comme un match de baseball. Au moins, j'ai passé dans l'œil. Une chance. J'aurais pu te tuer, quoi. Hey, de retour à l'émission. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Un vrai sportif de salon, hein? Même pas, en fait. Sportif d'aucune façon. Alexandra Carignan vient d'arriver. Est-ce qu'elle est prête pour sa chronique ou est-ce qu'on on met une chanson? On met une chanson. Voici ma tête dégèle pour les examens, tu sais. Faut que tu dégèles, toi. Mais ça, c'est des frosses, non? Ouais. Je sais qu'on commence à fêter. Tu prends pas de drogue, là. Ben c'était une school. Réveille. Ma tête dégèle de Jean-Philippe. Oh, bip, bip, bip. Ça, c'est le micro-ondes qui sonne à la fin de quand tu défrosses ta tête. Oui. Jean-Philippe, pas de E. Oui, le mauvais, parce que là, c'est laid, souvent, pas de PE à la fin. Là. Ouais, Jean-Philippe. Pas de Trésignon non plus. Là. Tout, tout, tout le kit. Hein, ouais, parce moi, j'ai... Un char et de la bonne. Oui. Oui. Alexandra Carignan, qui est là. Belle transition. Qui, ouais, c'est ça. Ben, je voulais essayer de, j'essaie de faire quelque chose, mais ça marche jamais, mes affaires. Mm. Parce que moi aussi, ma tête est sur le mode... Defrost. Defrost, comme une brûlure de congélateur. Comment t'appelles ça? Une brûlure, ça? Une brûlure au froid. On part juste sa chronique de même? Faisons ça. Voici le temps d'une culture. Si Jean-Philippe, tu me regardes comme drôlement. Je sais pas, je m'imaginais comme on est comme dans la dernière semaine. Oui, ça aurait été drôle de mettre un méchant gros solide drum quand ça fait pam, pam, pam. Hey, Sandra Carignan! Yeah! Bonjour! Allô, les amis! Ça va? Allô, les amis, ça va très bien, et vous? Oui, dernière chronique de la session pour le temps de l'agriculture. De la session, mais pas de la vie. Ben non, j'espère bien que c'est pas la dernière de la vie. On sait pas encore ce que l'été nous réserve, mais... On sait pas encore, non. Effectivement, c'est encore un mystère. C'est chiant, va. C'est encore un mythe. Le top dans le mythe? C'est comme le match des Canadiens Expo, là. Oui. C'est un match spécial qu'on élaborait tantôt entre les... Donc, Alexandra... C'est un mythe, oui. Ça, c'est un mythe. On parle donc de culture, comme toujours, différents événements. On parle de culture, et là, j'ai été un petit peu pris de court parce que je pensais pas que ça allait être ma dernière chronique à vie parce que je suis complètement déconnectée du calendrier universitaire. Je vais essayer de vous donner toutes les trucs à faire là en ville pour le restant du mois de... Pas le restant du mois de mai, là, parce que ma chronique va durer 3000 ans. Là. Trois-Rivières, on est bien, bien fort sur la culture. Là. C'est vrai, c'est pas vrai qu'il y a rien à faire à Trois-Rivières. Oh que non, c'est pas vrai. Bon, au moins, t'as pas dit tout ce qu'il reste à faire au mois d'avril. Il reste 2 jours. Ouais. Il y a non. Juste 30 jours en mois d'avril. Hein. Ben juste oui, c'est ça qui arrive, hein, ça tombe demain. Mais en fait, demain. Il reste une chose. C'est sûr qu'il reste une chose, là, ça. Hein? Il en reste des choses à faire au mois d'avril. Oui, oui. On a une chose, en tout cas, qui s'en vient d'ici la fin de la chronique, parce que j'ai quelque chose comme des morceaux de carton. Ou tata oui! À donner, moi. Oui! Ou tata oui! Tata oui! On en parle tantôt. OK, oui, on en parle tantôt. Et d'ailleurs, ben, on va commencer par cet événement-là. Un événement qui va se passer ce mardi à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Si vous écoutez ma chronique chaque semaine, vous savez que je plug tout le temps mes matchs d'impro partout. C'est normal. Et bien là, il y a une raison pourquoi le plugger, parce que c'est la grande finale de la 30e saison de la LIM. Mm-hmm. Donc la Ligue d'improvisation mauricienne, la ligue la plus haute dans la Mauricie. Alors, c'est la grande finale. Normalement, on joue à la salle Louis-Philippe Poisson. Pour cet événement-là, on upgrade. On s'en va dans la salle Anaïs Allard-Rousseau. Plus de place. Qui contient plus de place et qui a un décorum un peu plus théâtral. Le désavantage, c'est que, mettons, vous pouviez boire une bière en checkant notre match. Là, c'est plus ou moins... Ben, ça va coûter moins cher, au moins, tu sais. Ben oui, c'est ça va coûter moins cher. Ça, c'est la raison. Alors, la grande finale qui va en fait, où est-ce que les Turquoises et les Bourgognes vont s'affronter? Turquoises étant mon copain, les Bourgognes étant moi. Oui! Ben, parlons des équipes, parce qu'on parle... Oui. Les Turquoises, c'est qui, premièrement? Les Turquoises, en fait, ils ont eu un petit problème au courant de l'année. Oui. Étant une de leurs joueuses principales qui a eu... une opportunité en or à Montréal. Andréane Tremblay. Andréane Tremblay, d'ailleurs, qui maintenant travaille au téléjournal Radio-Canada à Montréal. Hein? Hey. Faut y donner que c'est une belle occasion. Alors maintenant, elle travaille là-bas. Elle a dû quitter l'équipe. Donc, les matchs des Turquois se sont toujours faits avec un substitut. Ça s'est fait différents substituts. On a eu Francis Asville, Camille Tremblay-Lancette. Tous des gens très, très drôles. Très, très drôles. Récemment, Dave Bailey, entre autres. C'est ça? C'est lui? Oui, récemment, Dave Bailey, oui. Effectivement. Alors, des très bons joueurs. Et c'est ça, Dave Bailey, qui va aussi faire la finale avec les Turquoises. Faut quand même le mentionner. Mm-hmm. Et là, le problème... À la limite, on a un petit problème avec le cégep. Là. Oh non! Les scabs, hein? Les scabs qui ont une générale ce soir. Là. D'ailleurs, même moi, mon autre joueuse, va se faire remplacer. On parle de Jolène Barry, qui va se faire remplacer par la magnifique Elodie Mongrain. Ah ben là, qui était dans les rouges. Je pensais être triste de pas avoir Jolène, mais finalement Elodie, elle est très bonne. On a Elodie qui est magnifique. L'année prochaine, c'est sûr. D'ailleurs, elle est une nouvelle capitaine à la lutte. Ah, c'est sorti ça hier. Oh, c'est vrai? Que oui. Donc elle sera une capitaine. Donc elle va jouer avec nous au Bourgogne. Les Turquoises sont encore dans Parce qu'eux autres aussi ont joué des Scabs dans leur équipe. Ça va pas mal. Les Turquois se retrouvent avec deux substituts. Oui. Donc, Dave Bailey, qui est maintenant, ben, en fait, qui régulier, fait partie intégrante de l'équipe. Là, il faut se trouver un autre substitut. Alors, on va laisser Maxime Tanguy se casser la tête. C'est ça, hein? Chacun ses problèmes. T'as les tiens, il a les siens. Mm-hmm. C'est une compétition, après tout. C'est ça, un couple, oui. C'est sûr que ça va faire un match complètement débile. Oui. Ça va être vraiment un très, très bon match, une belle ambiance. Et il faut le mentionner, on a le Joker Band. Qu'est-ce que le Joker Band? C'est, en fait, la LUI, la Ligue universitaire d'improvisation de Québec. Ah, le Joker Band, à chaque match, eux, là, ils n'ont pas de musique. C'est fun comme formule, par contre, pour vrai. C'est excellent comme formule. Comme un talk show, un band qui joue tout le temps. C'est ça. En fait, il y a le band qui joue tout le temps, un peu comme à Saturday Night Live ou Jimmy Kimmel. Donc, c'est ça. Il y a le band qui est là, qui, lorsqu'il le sent, c'est un band, disons, qui est habitué à ça, là, qui, lorsqu'il le sent... dans une improvisation, il parle de quelque chose, ben, ils vont mettre de la musique d'ambiance qui sonne comme ça. Exactement. Ils sont dans un ascenseur, ils vont jouer la musique. On leur demande même pas, ils réagissent tout seuls. Alors ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ils vont être là pour la finale, ça vaut la peine. Alors, c'est ce mardi à 20h. À la salle Anaïs Allard Rousseau. C'est 5$. Même prix que d'habitude. Même prix que d'habitude. On upgrade la salle et on le fout fait même pas payer. C'est quoi le rapport? Écoute, on est fin de même, nous autres. Alors, c'est ce mardi. Ça va être vraiment, vraiment débile. Et on a des billets à faire tirer. Oui, tout à l'heure, à la fin de la chronique, on va vous demander de nous appeler au 819-376-5183. Préparez-vous, 376-5183. Oui, préparez vos petits doigts. Enlevez vos gants. Et puis, on a des paires de billets pour la lime de demain soir. Donc, je mets ça ici pour pas m'en souvenir. On va tirer une paire? Oui. Une paire? Ben non, plusieurs paires. On a plusieurs paires. Deux paires. Trois paires. Trois paires. Trois paires. Trois paires. Trois paires. Three pairs. Three pairs. Tantôt. Alors, répète le numéro de téléphone. 819-376-5183. Prenez-le en note. Là, ça va être à la fin de la chronique. Oui, oui, oui. Et là, ben, je vais parler d'autres choses. Fait que vous pouvez comme relaxer là, sur votre téléphone et mémoriser le numéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ben oui, il y a d'autres choses à faire. En fin de semaine, le 3 et le 4 mai, il y a les coulisses du pensionnat des Ursulines. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un clou vivant. Ah. Aussi simple que ça. Donc, le jeu de clous, vous avez des personnages. C'était comme un clou vivant. Non, c'est vivant. Pas un clou comme un... Sortez clou. Le marteau. Non, non, non, non. Tu tapes sur la tête du gars. Un C-L-U-E, là. Un clou vivant. Alors, c'est bien simple. Vous avez une énigme. Là, cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Ben, les Ursulines. Donc, cette fois-ci, c'est il y a des faux tableaux qui ont été... Ben, en fait, des vrais tableaux qui ont été volés et qui ont été remplacés par des faux. Ils ont été faussement volés. Ils ont été volés de... et ils ont été faits... Il y a comme des reproductions qui ont été faites et qui ont été remises. OK. Alors là, c'est de savoir qui a volé ces tableaux-là, qui sont en fait les tableaux de Saint-Jean de Berkmans, qui est une grande dame là, qui a peinturé. C'est vraiment des tableaux qui valent cher. Très, très cher. Alors, on veut savoir qui les a volés. Vous devez vous promener dans les Ursulines. Et là, les Ursulines, on parle de l'école normale, le pensionnat, mais aussi le musée en général. Et vous devez trouver les personnages et les interroger. Il y en a qui sont fixes, il y en a d'autres qui sont mobiles. Donc, que vous devez trouver. Il y a le concierge là, faut que vous trouviez pour l'interroger. Il y a la sœur Bernadette aussi qui se promène un peu partout avec ses clés. Faut que vous lui posiez des questions. Faut que vous tentez de trouver qui, parmi les cinq personnages, a volé. C'est donc belle, ça. C'est bien cool, ça. C'est vraiment trippant. Vous avez votre carte, vous devez aller interroger ça, vous promenez, là, et c'est grand, là, les Ursulines, il y a 2 millions d'étages. Là. Oh. Alors, vous faites votre cardio de la soirée en plus. Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est un événement qui coûte, en fait, 25$. C'est ce qu'on appelle du tourisme d'expérience. Pour ceux qui ont fait un peu Arkham, c'est le même principe, sauf que vous êtes lousse. Donc, vous devez interroger... C'est pas un parcours précis. Non, exactement. Suivi. C'est pas un parcours où est-ce que t'es presque assis puis tu fais rien. Oui. Ben, j'adore Arkham, là, by the way. Là, j'ai adoré ça. Est-ce que c'est les mêmes gens, les mêmes acteurs, peut-être, pas du qui participent? C'est non, pas la même compagnie. Okay. Une compagnie qui est quand même amie, là, qui fusionne des fois là, pour faire des animations. Mais dans le fond, Arkham, c'est Hérole. Tandis que là, c'est Personnaré. Personnaré qui est un peu plus basé sur les aspects historiques. Hérole est beaucoup plus, justement, là, zombies. C'est eux qui font le truc au... Maquillage. Zombies, maquillage. Plus, fantastique. Tandis que Personnaré, c'est vraiment de l'animation historique. Donc, ils vont... oui, c'est ça. Plus des faits. Là, Personnaré, normalement, a des animateurs au Fort Justin-Maurice, les guides touristiques. Donc, c'est pour ça, en fait, que les Ursulines ont fait appel à eux. C'est parce que c'est des personnes qui ont une grande rigueur historique là, dans leur démarche. Il n'y aura pas d'anachronisme là-dedans. Non, il n'y a pas d'anachronisme. Donc, on se retrouve en fait en 1980. Ça, c'est un fait. Là. C'est comme si on était en 1980. On interroge les personnes. Donc, on a une vieille dame, une vieille sœur qui peint, qui aime se peindre dans la vie, à savoir, c'est elle. On a sœur Bernadette qui est partout avec ses clés, donc il a accès à tout. On a le concierge aussi qui a toutes ses clés. On a le neveu de la sœur Saint-Jean de Berkmans qui, elle, est décédée, qui, lui, veut avoir les toiles parce que c'est des toiles qui valent cher, puis il veut les revendre. Ah ouais. Donc, c'est à savoir qui a fait ce problème, qui a volé ça. Il faut élucider. C'est vraiment le fun. C'est aux Ursulines. Si vous voulez réserver, bien sûr, il y a un numéro de téléphone, donc le 375-7922, 375-7922. Ou sinon, vous allez directement sur le Facebook des Ursulines. Vous allez avoir toutes les informations sur le site aussi. Donc, c'est ce vendredi et samedi. Donc, vous avez une des dates que vous pouvez prendre à 19h30. C'est une activité qui dure 2 heures. Donc, oui, ça vous coûte 20$, mais vous en avez pour votre soirée. Et c'est vraiment, vraiment trippant. Alors, les coulisses du pensionnat, les faux Saint-Jean-Berkmans, ça sera en fin de semaine. Mm-hmm. Du côté des arts visuels, je vous garoche rapidement qu'il va y avoir l'événement Repérage à partir de ce dimanche. Qu'est-ce que c'est Repérage? C'est au centre d'exposition Raymond Lagné. C'est une exposition qui est faite pour l'Auto-Québec. Donc, on retrouve plein d'artistes qui ont été sélectionnés de la région de la Mauricie. Et le but, c'est de faire une vitrine pour que l'Auto-Québec et la ville de Trois-Rivières les achètent. Qu'est-ce que ça vous donne d'aller voir ça? Ben, en fait, c'est vraiment un beau tableau de qu'est-ce qui se fait à Trois-Rivières en ce moment dans tout ce qui est art visuel. On ne peut pas acheter puisque c'est juste pour l'Auto-Québec et la ville, mais on voit vraiment les talents qui a des très, très belles toiles. Et on retrouve, en fait, toutes les best-of là, qui ont été là, au centre d'exposition Raymond Lagné. Là. On retrouve des artistes qui sont vraiment, vraiment bons. Donc, à partir de ce dimanche, au centre d'exposition Raymond Lagné. Ouf! Wow! Hein, ça en fait ça des choses? Et j'en ai tellement pas assez. Là, j'ai été sur les simples. Là. Donc, la lime, les coulisses du pensionnat en fin de semaine et dimanche, à partir de dimanche pour un mois, le centre d'exposition à mon ami. Profitez-en. C'est juste la semaine 1, t'imagines? Ouais, c'est ça, c'est Trois-Rivières, là, il s'en passe déjà. Mais, alors, on parlait de la lime tantôt et on disait qu'on avait des billets à vous donner. Donc, si vous nous appelez au 819-376-5183 pendant qu'on écoute une pièce de Amélie. Oui, les et filles. Ça va être, écoutez bien, c'est en lien avec mon « si seulement ». Qui s'en vient juste après. OK, oui. Donc, pour l'instant, on rappelle le numéro une dernière fois, Jean-Philippe. Oui, 819-376-5183. On attend vos appels pour des billets pour la Ligue d'impro mauricienne de demain. Si trois paires! Te crierait que tu n'entendrais rien. On dirait doucement que tu me comprendrais. Disons de toute façon, et puis c'est bien trop compliqué. Tu comprends? les filles d'Amélie, qui est en lien en fait avec ma chronique Si seulement. Oui. Alors, si seulement je n'avais pas la finale de la LIM ce mardi. Ah non, la maudite LIM. Hein? La maudite LIM. Je serai à l'Olympia de Montréal pour le lancement spectacle de l'album Open Country de Mountain Daisy. Qu'est-ce que c'est? Ouais. En fait, Mountain Daisy, c'est un groupe country de Montréal. Ils font, ils ont fait souvent les festivals, en particulier Saint-Tite. Et, en fait, là, dès que t'as un groupe country, t'as été fait Saint-Tite. Là. Mais ils sont quand même actifs dans la musique country au Québec. Et ils voulaient faire une espèce de spectacle qui revenait toutes les semaines. Il y avait une idée là, de faire un spectacle country qui revenait toutes les semaines à Montréal. Mais il s'est dit, mais on n'est pas très, très connu. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est faire, en fait, une plateforme pour le country. Inciter le monde à aimer le country. Comment qu'on ferait ça? Alors, ils se sont dit, hey, on a plein de connexions dans le monde musical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des artistes qui sont connus, qui ont des chansons connues. Et on va reprendre leurs chansons à une saveur country. Okay. Et ils vont faire, en fait, ça s'appelle un autre. C'est l'Open Country. Et finalement, ils se sont dit, ben, tant qu'à faire un spectacle, on va faire un album. Alors, l'Open Country, le spectacle de demain, en fait, là, on a des artistes à la pelletée. On a Mara Tremblay, Fred Fortin, Steffi Choc, Richard Séguin, Michel Rivard, Damien Robitaille, Antoine Graton, Louis-Jean Cormier, la belle Amélie aussi. Donc, vraiment des noms underground, en gros, à ce que tu me nommes là, il y a pas mal de gens underground. C'est du underground. Mais borderline, mais tu sais. Ouais. Du underground Radio-Canada. Exactement. C'est pas genre Mimi Manderglo. Non, non, mais c'est écoutable au moins, tu sais. Des bonnes choses. Ben, c'est ça, en fait. Il y a plusieurs. C'est sûr que, mettons, c'est pas la gagnante de la voix, puis l'us du faux, là, on va se le dire. Ouais. Mais c'est des chansons qui sont normalement connues. T'sais, tout le monde connaît un peu Damien Robitaille, Louis-Jean Cormier aussi, Amélie. Éloi, Jonathan Pinchot, là, qui reprennent en fait bon. Une toune de Oukoumé. OK, ouais. Moi, je suis une fan de Oukoumé, je suis vraiment contente. OK, ils ont le droit. On ne juge même pas. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ça. C'est le spectacle va être, contient tout ce monde-là, mais l'album aussi sort demain. Okay. Et on retrouve donc les filles d'Amélie. La chanson qu'on vient d'entendre a une saveur country. Et on reprit la chanson. C'est Amélie qui la chante encore. C'est tout le temps les artistes là, qui l'ont écrite. OK, c'est bien. Dans le fond, Mountain Daisy, c'est une fille aux voix et un gars à la guitare. Donc, eux, avec ça, ils sont tout le temps là sur les chansons, mais ils travaillent avec la rente. Pour faire un arrangement. Ça me rappelle un peu les Lost Fingers, mais sans l'aspect ultra kitten. Effectivement, ouais. C'est pas mal ça. Pas mal ça, hein? Oui, vraiment, là, sauf que les Lost Fingers, c'est avec leur voix, tandis ouais. que là, c'est vraiment les voix des vrais artistes. Donc, on a les filles d'Amélie, on a Dis-moi pas ça, d'Éloi et Jonathan Pinchot, qui refait une saveur cajun, là, c'est vraiment, vraiment bon. La cassette de Louis-Jean Cormier, Let Go d'Antoine Graton, On est nu de Damien Robitaille, Maudit Bonheur, Michel Rivard, Chaouin de Fred Fortin, Toutes les chances de Mara Tremblay, Un homme à la mer de Steffi Choc et Tu marches de Richard Séguin. Et là, il y en a d'autres. Là. Donc, ça va être vraiment, vraiment bon. L'été s'en vient. Moi, quand l'été s'en vient, ça sonne country. Là, je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus jouissif, mais en fait, pour moi, là, que de se promener les fenêtres ouvertes avec du country en road trip. En tout cas, moi, c'est mon bonheur. Et ce que j'aime, en fait, c'est que c'est du country qui est pas... Au Québec, on a une tendance à faire du country qui était très, très, très quétaine. Donc, dans les années 90, là, avec Chantal Paris et ainsi de suite, là. Et là, on revient à un quétaine qui est un peu plus écoutable. Que, ben, personnellement, là, avec Lisa Leblanc, Chantal Archambault. selon toi, là, avec Chantal. Selon non, Chantal, j'aime ça. C'est, Chantal, c'est Lisa Leblanc, je sais que t'es un petit peu moins enclin. À peine. Mais avec ça, en fait, c'est des chansons qu'on connaît déjà et qu'il y a déjà une saveur country. Puis on se rend compte que la musique country peut être très, très bonne lorsqu'elle est bien jouée. C'est ça. Alors, l'Open Country de Mountain Daisies, l'album va être en vente demain dans tous les bons magasins. Et si vous dites, moi, j'aime pas ça l'impro, ben vous pouvez aller à l'Olympia de Montréal. Tu vas être jalouse. L'entrée est gratuite, ouais. Tu vas là, tu te pointes, puis tu vois tout ça. Moins cher que la lime. C'est moins cher que la lime. Par exemple, t'as ton gaz là, qui compte là-dedans. Mais bref. L'Open Country de Mountain Daisies qui va être à l'Olympia le 30 avril à 18h. Donc, l'entrée est gratuite. L'album, il va être en vente demain. Je vous ai pas fait écouter d'audio parce qu'il n'y en a pas encore de sortie. Il y a des extraits. Si vous voulez aller voir sur le Facebook de l'Open Country, je suis la misère avec le country. L'Open Country, il y a des des clips. Des teasers. Ça, des teasers, des enregistrements avec les artistes. Donc, on voit Amélie, on voit Damien Robitaille, Steph Choc, ainsi de suite. Donc, on les voit. Il n'y a pas de chanson complète encore de sortie. On peut aller écouter partiellement l'album sur le site Devisu. Je sais pas comment on peut dire ça. Devisu. Mais quand même, là, ça va être vraiment demain qu'on va avoir la belle surprise. Moi, je suis certaine que ça va être bon. Alors, tenez-vous là pour dit. Mm-hmm. C'est dit. Si seulement il n'y avait pas la lime, je serais là-bas. Voilà. Mais alors, nous, on va aller à la lime, donc. Vous allez à la lime. On va aller à la lime. On va aller à la lime. D'ailleurs, vas-y. Mais d'ailleurs, le temps de dernière chanson. Ouais. Il reste deux paires à la fin de série. On y va. Donc, rappelle le numéro, Jean-Philippe. 819-376-5183. Il en reste deux. Dépêchez-vous. On prend les appels 3 et 4. Ça part comme des quoi? Des Jonathan et des Éloi Pinchot, ça? Ouais, c'est ça. 819-376-5183. Oui. Appalachian Mountain Station, I've been forgiven. Gave my man my explanation for all my sin. Playing straight. Appalachian Mountain Station, I've been. Bicycles avec Appalachian Mountain Station. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Yeah. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. On aura Marie-Laurence Audette de l'Observatoire québécois du loisir qui va être avec nous à 7h30. Ensuite, à 8h, Michel Lebrun et Panier à Salade. Et à 8h40, Kiwan en cavale en direct de l'Alberta pour présenter la musique canadienne. Ben oui, monsieur. Ben voilà. On remercie évidemment Alexandre Carignan. On remercie Simon Fitzbé. Violet Mille. Toi, Jean-Philippe Charbonneau. Toi, Mathieu Plante. Merci, les requins, d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Oui. Oui. On se quitte avec We Are Wolves et Moving Fast parce que la session a passé vite et la semaine va se terminer vite. Et on a presque terminé. Il nous reste 3 émissions de matin. Oui. Oui. Mais il faut rester là parce qu'on a une surprise pour vous pour cet été. Ouh! Hein? Faut pas croire qu'on va vous laisser tomber de même. Ben non, on n'est pas des louches! Pas des louches! Donc, plus de nouvelles là-dessus d'ici à la fin de la semaine et puis passez une belle journée, sinon. Hey, on se voit demain. Ouais, demain. Oh, bon, ouais. C'est ça. Puis dîner de con, on s'en vient à 11h, t'as pas manqué ça.